Chapitre 12e. Le tailleur de pierre de Saint-Point, l'œuvre où notre poète a le plus exactement condensé toute sa philosophie. Mais à Dieu ne plaise que par l'effet d'un séparatisme ridicule, nous nous imaginions que la philosophie se rencontre uniquement dans quelques livres spéciaux, dans certains manuels, dans certains traités. Non, non, elle éclate partout. Elle se fait jour dans une harmonie, dans une méditation, dans une ode, aussi bien que dans un chapitre d'Aristote et de saint Thomas. Elle ne connaît pas de barrière. Comme la lumière, elle envahit, éclaire et pénètre tout. Toute l'œuvre de M. de Lamartine, depuis ses premières méditations jusqu'à la dernière livraison de son cours familier de littérature, est imprégnée de philosophie. Dans les discours de Lamartine, cette philosophie se reconnaît aisément et règne. L'auteur des méditations a été un grand orateur, bien que cette vocation presque inattendue se soit révélée assez tard dans le cours de cette vie plus agitée que remplie. Dans cette éloquence, d'ailleurs, on retrouve toutes les qualités auxquelles nous avons déjà rendu si volontiers un si complet hommage. La phrase est ample, le style est imagé, le développement oratoire est majestueux et peut-être un peu long. La pensée est toujours élevée, mais parfois trop tendue et légèrement guindée. Rarement l'orateur va jusqu'à la déclamation, mais il n'en est pas éloigné, et l'on sent trop ce périlleux voisinage. Nous avons fait allusion à ce fameux discours où, devant la Chambre des députés, il exposa les motifs de sa conversion politique. C'est le plus célèbre de ses discours, ce n'est peut-être pas le meilleur. On se souvient encore de celui qu'il prononça à la même tribune pour défendre contre l'envahissement des mathématiques, les nobles lettres et les arts attaqués par Arago. Dans son fameux discours au jardinier, il se montre spirituel et fin, et c'est chez lui une bonne fortune assez rare, pour qu'il soit nécessaire de la mentionner en passant. Le plus beau de ces mouvements oratoires est une rencontre, une improvisation. On sait ce qu'au milieu des menaces et des hurlements de 1848, répondit l'auteur des Girondins à ceux qui voulaient arborer une loque rouge au bout de leur pic. Le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91, en 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. On a pu critiquer ces paroles, d'où toute rhétorique n'est pas absente. Mais ceux qui les critiquent si dédaigneusement, les auraient-ils trouvées dans le terrible instant où elles furent prononcées? Depuis plus de 10 ans, Lamartine s'est fait critique littéraire dans son cours familier, et il s'est promis d'y exposer toute la philosophie de l'art. Déjà, il a étudié, dans une longue galerie de portraits, les plus grandes figures de toutes les époques et de toutes les civilisations. Il a mis sans doute dans ses portraits la marque incontestable de son génie. Il y a mis surtout le sursaume qui est un des caractères de son intelligence. Mais la critique demande certaines qualités de second ordre que Lamartine n'a jamais possédées et ne possédera jamais. Il y faut une finesse, une ténuité d'esprit, un sentiment des nuances qu'un vrai poète ne saurait connaître. Lisez les causeries de Sainte-Beuve. Vous vous apercevrez aisément que le poète, l'auteur de volupté, est mort depuis longtemps. Vous y verrez en action un véritable critique, lorgnant tout, dépeçant tout avec son regard, analysant toujours et analysant encore. Sainte-Beuve s'imaginerait tomber dans un précipice, s'il tombait jamais dans la synthèse. L'auteur du tailleur de pierre de Saint-Point a la même horreur de l'analyse, qui lui semble une sorte de petit procédé à l'usage des petits esprits. Toutefois, dans ce cours familier, écrit beaucoup trop vite et avec une intention trop visiblement mercantile, on a l'occasion de rencontrer encore quelques beautés de premier ordre qu'il faut se hâter de saluer au passage. Nous avons encore dans les oreilles les cris que poussa toute la bohème des lettres quand Lamartine attaqua avec une ardeur légitime l'école sensuelle et frivole d'Alfred de Musset et de ses pâles imitateurs. On s'écria que c'était pure jalousie de sa part, et qu'il voulait rabaisser une gloire qui menaçait la sienne. Il n'en était rien, et l'auteur des méditations était bien au-dessus de ses misères. Mais il avait horreur de la littérature des sens, et le disait tout haut. Et il s'élevait avec raison contre ces débauchés, qui laissant de côté toute préoccupation noble, tout ce qui séduit le cœur de l'homme, tout ce qui le remplit, la religion, la politique, l'économie sociale, déclarent qu'ils ne veulent ici-bas s'occuper que de Ninette ou de Ninon. Une autre fois, Lamartine dessinait la grande tête de Bossuet, et le lendemain, il racontait avec une émotion visible la première représentation de la reprise d'Athalie sous la Restauration. Il se laissait aller, trop volontiers, il faut le dire, à raconter aussi ses souvenirs personnels et ses petites affaires dans un recueil uniquement destiné à l'art pur. Et dans une de ses livraisons trop pelues, il écrivait ses belles pages sur une visite à Saint-Point qu'il a intitulée « Le père du temps ». Tout récemment, enfin, comme nous l'avons dit, il élevait noblement la voix contre le panthéisme envahissant et proclamait d'une voix ferme l'existence d'un Dieu unique et personnel. Telles sont les pages du cours familier de littérature qui méritent de rester le plus longtemps dans la mémoire des hommes.